Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon. Patreon.com/papacassette. Bonjour à tous. Bienvenue chez Papa Cassette. Épisode 99. Wayne Gretzky, mesdames et messieurs. Ah, le Great One. C'était ça, hein, son nom, The Great One, je pense. Quelque chose de même. J'avais une casquette rose fluo avec ça, des crêtes dessus quand j'étais petit. Je viens de me souvenir de ça. J'ai des bons souvenirs de Wayne Gretzky. Moi, j'aimais beaucoup. Je l'ai vu jouer quand j'étais jeune. J'écoutais le hockey avec mon père, tu sais, au sous-sol. Et puis, c'était des beaux moments. Tu sais, je pense pas que mon père ait été dans le hockey de la NHL à suivre ça comme un malade tant que ça dans sa vie, mais il l'écoutait, là, tu sais. Fait que moi, je descendais en bas, on l'écoutait. Puis, on avait vraiment une petite télé en bas de rien, là, tu sais, genre 15 pouces, même pas, là, moins que ça. C'était vraiment une petite télé de merde. Puis, on a écouté ça pendant des années, puis on était très heureux. J'aurais pas pu penser que les grosses télés allaient monter, les télés allaient devenir aussi gigantesques. Aujourd'hui, on a des télés 80 pouces, flat, HD, 4K. Ça fait changement de nos petits tubes à 13 pouces. Ah, fait que ouais, j'ai des beaux moments, des beaux souvenirs de hockey. Écoutez, avec mon père, Wayne Gretzky, tous les glorieux Oilers, j'avais mon livre d'autocollant Pacini. Pacini, c'est le nom de la compagnie qui faisait ça. Panini. Pacini. Oh là là, ça paraît-tu que j'ai faim? Non, j'ai pas faim. Mais ouais, Panini, donc des livres d'autocollants. Celui de 87, il y avait Grant Fuhr dessus. Et puis j'en avais un autre aussi, jaune, avec Gretzky, puis Dave Poulin, des capitaines des Flyers. C'était ça, Dave Poulin, son nom? Pas un grand joueur, on va te dire, là. Préférait Peter Zizel. Il y avait des cool noms, les joueurs des Flyers, dans ce temps-là. C'est quoi, donc? Randy Tockett, Peter Zizel. Ron Extall, tu sais, ça flash. C'est des bons noms. Il y a pas aussi Brad McCrimmon. Hein? Hockey knowledge. Bon, hey, on n'est pas là pour parler de hockey, mais je vais quand même dire qu'on est le 6 mai, vendredi matin, le 6 mai. Je pensais enregistrer hier, finalement, ça n'a pas marché. J'ai pas réussi. Fait que c'est ça. J'ai vu une petite double New England IPA du castor hier, puis 8% de bière, hein, là-dedans, d'alcool. C'est beaucoup de pourcentage, ça, pour un jeudi soir, puis ça me donne mal à la tête. Je suis plus capable de juste prendre une petite bière de même. Tu sais, c'est sûr que si je prenais une petite Molson X, une petite bouteille Molson X, il n'y aurait aucun effet, mais j'aime pas ça. Fait que là, j'aime ça quand ça goûte ou quand il y a de quoi. Puis j'ai juste bu ça, puis j'ai bu une bière sans alcool après. Puis je me suis goinfré dans les Doritos de la Verlochère, mesdames et messieurs. Ceux qui ne savent pas, c'est notre commanditaire, le marché Bonichois, neveu de la Verlochère, fournit les Doritos à Rétro Nouveau. Et ils en fournissent tellement que on en mange aussi à l'extérieur du spectacle. Alors voilà. Alex Neveu, d'ailleurs, qui a passé des beaux moments avec notre ami François, qui l'a visité. Donc les gars, ils se sont bien accommodés à la Verlochère. Bien content d'entendre ça. Donc, ouais, j'ai comme un petit début de mal de tête. Mais là, c'est ça. Là, je vais boire du café en même temps que je vous parle. Ça va aider. Puis, voilà. Pas grand nouveau dans la vie présentement. Donc, je reviens du WEG, en fait. Puis, j'avais pas mal prévu parler, en gros, de ça. Et puis, on verra bien. Fait que le week-end dernier était notre, je sais plus quelle édition, du WEG, W-E-G, le Weekend Gaming, qu'on fait depuis des années. En fait, c'est Bruno Georget qui avait une chroniqueur, Bruno Georget, anciennement Monsieur Net, co-animateur de Rétro Nouveau et mon ami, qui a starté ça il y a, man, peu pas, là, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc, on est une gang d'amis, puis on loue un chalet à Tremblant. Et puis, là, la gang d'amis a grossi avec le temps, bien sûr. Maintenant, on est rendu une trentaine. Et puis, avant, ben, on prenait vendredi off. Tu sais, pour pas arriver trop tard vendredi. Puis là, c'est une fois que t'arrives, t'es tellement, tu capotes. Puis là, go. Puis là, c'est le gros party. Puis vendredi, samedi, puis là, dimanche, on décampe, puis on revient. Puis c'était bien correct. Mais là, maintenant, on se permet même une journée de plus. On loue le chalet jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait que c'est le fun, parce qu'avant, quand on arrivait, tu sais, t'es FOMO à côté, là. Fear of missing out, t'es comme, ok, hey, c'est vrai, j'avais dit à lui qu'on allait jouer ensemble. Ok, oui, il hey, faut que je boive de la bière. Ah oui, hey, le souper est déjà prêt, Colin. Ok, on fait ça. Hey, on avait dit qu'on faisait ça. Ah, là, le lendemain, t'es scrap. Puis là, ouais, mais go, faut y aller, là. Puis, lâche pas, faut gamer. Ah, c'est vrai, je suis même pas allé dans le spa. Je vais aller faire un tour dans le spa, puis ben. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, avec une journée de plus, c'est comme. T'arrives jeudi, gros party sale, tu games pas tant, t'es tellement énervé de voir tout le monde, là, t'sais, y a du monde là-dedans qu'on voit rarement, t'sais, ou qui sait, y a même du monde, c'est la seule fois dans l'année que je les vois en personne, fait que c'est vraiment plaisant, ça, et puis, je vais tasser mon téléphone pour voir les notifs, fait que, c'est ça, fait que vendredi, c'est le party, samedi hangover, mais, t'sais, avec un, on se reprend, recommence à boire vers 2h, et puis on se replace, puis c'est party. Moi maintenant, par contre, le samedi, vu qu'on part le dimanche, je trouvais ça difficile d'être scrap puis partir sa route le dimanche. J'avais quand même 2h, aller là, 1h30, 2h. Fait que mes samedis sont plus tranquilles maintenant, je m'économise. J'ai bu, je pensais pas boire du tout samedi, puis finalement, me suis enfargé là, les pieds dans Pastry Stout avec... Étienne puis Damien qui avaient amené des gros crus de bière, alors je me suis assis, puis des pastry stout, ça, mesdames et messieurs, c'est des stout très sucrés gâteaux, là, si je peux dire, pour l'expliquer très clair. Donc des bières noires, là, foncées comme des Guinness, mais tu sais, au gâteau. Et puis c'est un style que les gens apprécient beaucoup. Moi, je suis pas tant fan des bières noires comme ça, mais tu sais, j'en bois, là, mais c'est ça. Mais eux autres, ils avaient amené du gros stock. Pis ça, c'est genre 11%, 11,5%, tu sais, c'est la grosse affaire, c'est plein d'alcool. Fait que c'est ce que j'ai bu samedi, mais sinon j'ai été tranquille. Fait que je vais le raconter un peu chronologiquement, parce que c'est de même que j'arrive à bien raconter les choses, comme je les vois dans ma tête chronologiquement au fur et à mesure que je vous les raconte. Fait que mon copain Fred Jemus est venu me chercher chez nous jeudi matin. Puis on avait un premier stop chez Souffle dans Cassette à Saint-Jérôme, qui est une boutique de jeux vidéo que vous connaissez sûrement. Souffle dans Cassette ont déménagé il n'y a pas si longtemps. Avant, ils étaient à Sainte-Sophie. Fait que maintenant, ils sont à Saint-Jérôme. Moi, je connais rien de la ville de Saint-Jérôme. Fait qu'on était là. Dedans Saint-Jérôme. Ça me semble être un genre de downtown. Ben, je sais pas si c'était un downtown, là, mais il y avait des... Anyway, vous irez voir l'adresse, là, sauf dans la cassette, voilà. Et puis, beau petit local, avec un beau backstore aussi. Max, des névralgiques, était là, qui travaille là-bas. Fait que, c'est ça. Julien était là aussi, le propriétaire qu'on connaît. Fait que ça c'était bien le fun de jaser. Toujours le fun de jaser des la vie des boutiques et puis du potinage autour de ça, parce qu'il y en a un petit peu quand même. Puis il a été gentil, il nous a fait faire le tour, il nous a montré son backstore, un peu son fonctionnement, tout ça. Fait que c'était bien intéressant, c'est un peu comme nous, hein, d'une certaine façon. Et puis, mais on peut se donner des trucs, là, tu sais. Puis c'est ça que j'aime, moi, tu sais. Je pense que dans la vie, même si on est compétiteur, là, quand même, là, d'une certaine façon, je pense que c'est important de, entre boutiques, tu sais. Puis c'est important de maintenir une relation conviviale, tu sais. C'est bien certain que tout le monde veut être plus hot puis plus big que l'autre à l'intérieur, tu sais, c'est de même, on est de même, c'est sûr, c'est nos entreprises à chacun, on veut shiner puis on veut que ça grossisse, tu sais, ça c'est tout à fait normal et humain, tu sais, c'est pas parce qu'on veut que l'autre meure, c'est parce que nous on veut grossir, tu sais, on aime ce qu'on bâtit, c'est nos bébés puis tout ça, tu sais. Mais il y a de la compétition, mais faut pas voir, tu sais, faut pas tourner ça négativement, tu sais. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis tu sais, ça oui, on peut s'aider, il y a tout le temps moyen de s'aider, se donner des petits trucs, des conseils, des affaires, tu sais. Puis tout le monde voit un peu ce que tout le monde fait, tu sais, d'une boutique à l'autre, que ce soit de Québec par ici, par Rimouski ou whatever, tu sais. Les deals se ressemblent, là, on s'entend, là, le 3-pour-2, puis le shipping, puis les ça, les promos, les pourcentages, on fait tout un peu la même affaire, là, tu sais. Fait que c'est ça, mais bon, chacun a son style aussi, puis c'est bien correct de même, puis moi je trouve ça très bien qu'on puisse discuter sans s'envoyer chier, puis dire que les autres sont des trous de cul, là. Je pense que c'est sain, et puis voilà. Donc, si jamais Julien vient à Montréal, ça va nous faire plaisir de lui faire faire le tour ici aussi, puis lui montrer comment on fonctionne, et puis si ça peut l'aider, tant mieux. J'ai remarqué, il nous a montré un système intéressant dans ses ordinateurs, et puis un système aussi de velcro. Je suis comme, Caroline, Chris, de bonne idée, ça, sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de stock dans son backstore, puis nous autres aussi, puis... À un moment donné, il faut pas mélanger les affaires, tu sais. Fait que, puis il y a des affaires qui se rajoutent à tous les jours, tout ça. Fait que c'est pas évident. Mais ouais, il y a eu un bon flash. C'était bien cool. Fait que non, j'en ai profité pour ramasser du filler de Super NES. Deux 5 screws de NES. J'ai fait une publication Facebook là-dessus. Vous pouvez voir. Puis c'est ça. Fait que j'étais bien content de ça. Fun fact, j'ai... J'ai un jeu Atari Astéroïde, il est très très très commun ce jeu là, c'est genre avec Defender puis tout ça, c'est des jeux communs, il n'y a pas plus commun qu'Astéroïde à l'Atari. Mais il y a une version Silver Label, mais c'est pas tout à fait Silver, c'est gris, mais c'est un re-release de Atari Corp, quand Atari a été racheté puis racheté. C'est comme plus tard, c'est un re-release plus tard, fait qu'au lieu que ça soit le label... Picture là, avec le vaisseau spatial écrit astéroïde en bleu. C'est gris là, classique Atari, tu sais, puis la tranche écrit astéroïde en rouge Atari. Fait que c'est une version vraiment pas commune du tout, tu sais. Puis moi je voulais ça dans mon set Atari, puis je l'ai acquis il y a bien des années. Puis mais il y avait une imperfection dans le haut, tu sais, puis j'étais pas satisfait de ça. Fait qu'à un moment donné, j'en ai eu un autre. Puis j'ai vendu celle-là imparfaite à je sais plus qui, sur Facebook, me semble. Ça fait des années, là. Puis là, j'ai retrouvé exactement celui-là chez Souffle dans cassette, ce jeudi dernier. J'ai trouvé ça drôle, c'est comme, c'est parti dans le vent, puis ouf, ça se ramasse là, je suis comme, hein, Astéroïde, s'il veut les bons, je ressors ça d'à travers son mur plein d'Atari, tu sais, puis je suis comme, Chris, c'était à moi, ça. J'ai dit, by the way, ça vaut pas 3$, tu vas peut-être en tirer un petit 80, fait, si tu le mets sur eBay surtout. Fait que, voilà, j'espère qu'il pourra se refaire avec cet Astéroïde-là. Ah! Fait que ouais, belle petite boutique, et puis on a jasé en masse avec Max aussi, qui est toujours super gentil, donc suivez son channel, les névralgiques. Et puis c'était un très bel arrêt cordial, les chummies ont acheté une coupe d'affaires aussi. Au dernier WEG, pas celui qu'on vient de faire, mais l'autre d'avant, on était arrêté dans un Mike's, chez Mike's, à Tremblant, tu sais, comme vraiment pas loin du chalet en fait. Fait que, parce que ça donnait qu'il y avait des gars qui étaient là. Tu sais, vous êtes où, tout le monde? Tu sais, on arrive plein de chars différents qui convergent vers le WEG. Tu sais, on est chez Mike's, là. Ah, ben, on est là, nous autres aussi, on n'est pas loin. Fait qu'on va vous rejoindre, on mange chez Mike's, tu sais. Puis là, cette année, il fallait encore manger chez Mike's, apparemment. Fait qu'au lieu de manger chez Mike's à Tremblant, on a mangé chez Mike's à côté du Souffle dans la cassette. Il y en avait un en diagonale, là, tu sais. Donc, le Mike's de Saint-Jérôme, mesdames et messieurs. Et puis, on s'est fait servir là, de façon très enthousiaste par la serveuse là-bas, je connais pas son nom. Elle était bien le fun. Puis, il y avait des. Sur le menu, il y avait des ailes de porc. Là, je suis comme, une assiette d'ailes de porc, tu sais. Là, je pensais que c'était une erreur sur le menu. Ils ont mis porc au lieu de poulet, puis là, ils ont envoyé les menus en impression. Personne ne l'a vu, ils réimpriment pas ça. Là, je demande à madame en niaisant, ouais, les ailes de porc, hein? Elle dit, ben oui, des ailes de porc, c'est super bon. Puis là, elle m'explique toute la patente. Je dis, ok, non, c'est vraiment des ailes de porc. Hey, c'était assez beau, ça. Dans le fond, c'est comme des ribs. C'est comme des ribs de porc qui seraient frites, tu sais. Mais, attention, là, je vais vous révéler quelque chose. Le Mike's de Saint-Jérôme est peut-être le seul Mike's au Québec où ils font cuire leurs ailes de porc dans le four à pizza au lieu de les mettre dans la friteuse. Parce qu'ils trouvent ça plus moins sec. Fait que, on s'en est pris en entrée des ailes de porc parce que, tu sais, Chris, quand tu voyages, faut que tu essayes les affaires locales. Fait que, c'est ça. C'était vraiment, c'était bien drôle. Fait que je me suis pris un beau sous-marin, puis on est tous partis de là avec une boule dans le ventre avant d'aller au WEG, tu sais. Tu sais, au Weg, on s'entend, il n'y a pratiquement pas de légumes, là, à part la salade qu'on met dans les tacos et ces affaires-là. Fait que, habituellement, tu sais, j'essaie de bien manger. L'année passée, j'avais pris chez Mike's à Tremblant, j'avais pris une salade, tu sais, salade jardinière. Mais là, bon, j'ai pris un sous-marin, là, tu sais, puis, tu sais, manger de la crap avant d'aller manger de la crap pendant 3 jours, c'est vraiment pas une bonne idée. Une année, on avait arrêté avec mon ami Dej à l'épicerie, se pogner un Pokéball, ça c'était le meilleur call. Tu sais, t'arrives, plein de légumes, là tu peux te briser en dedans après. Là, t'sais. Fait que c'est ça. Puis après, on a aligné à Tremblant, dans le fond. Des fois, on arrêtait au Gamix aussi, à Saint-Jérôme. Habituellement, on arrêtait à chaque année. Là, on le fait le WEG 2 fois par année d'ailleurs, avant, on le faisait juste 1 fois. Puis on arrêtait souvent, mais là, on n'avait pas le temps de faire les 2 places. On voulait essayer la nouvelle place. Fait que voilà, on retournera voir Danny au GameX par après. Un autre voyage. Puis, mais tu sais, c'est parce qu'aussi, on est comme en hâte d'arriver. Là. On est comme anxieux. Quand le char se parque dans la place, là, tout le monde est comme. Ah! On se met à capoter tout de suite. Fait que ça, c'est cool. Mais il y avait une beer run aussi qui se fait. Il y a du beer chasing. Nous, on fait du game chasing. Puis il y a du beer chasing d'un autre paquet de chars qui se fait aussi sur le side. Donc, les gars, l'année passée, ils avaient arrêté chez Messorem. Après ça, Boréal. Et puis, Dieu du ciel. Et puis, d'autres plus petites micros là, que je connais pas, qui ont fait cette année. Ils ont exploré un petit peu plus deep. Faut dire que dans toute notre gang, on a des gros beer geeks là, fait que c'est bien le fun, ça aide à aller voir les spots. Et puis c'est quoi donc le nom de la place? Merde, je sais pas, mais c'était un gars qui était anciennement chez Saint-Arnoud, je crois, qui a, il me semble c'est ça, puis il a quitté. Je suis pas sûr que c'est Saint-Arnoud, mais il me semble c'est ça que les gars m'ont dit. Puis il a quitté, puis il a ouvert son propre truc, fait que c'est petit, tout ça, puis lui, il brasse les styles classiques, tu sais, puis les bonnes pills, puis des affaires comme ça, puis il n'y a pas d'IPA, là, tu sais. Fait que, puis il a fait faire le tour à tout le monde, puis c'était bien cool, c'est comme, ah, Chris, c'est poche que j'oublie le nom. Mais je vais regarder ici, il me semble qu'il y a quelqu'un, quelque part. Il me semble que les gars, hier, sont allés prendre une bière, puis ils ont vu... ces produits-là ici à Montréal. Donc, où est-ce qu'il y a ce chat-là? Excusez, ça fait pas de la bonne TV, là. Ah, j'ai reçu plein de messages, là, ça me déconcentre. Ok. Fait que je recule dans les niaiseries. Ça parle de Doctor Strange, ça parle de 1000 affaires. Ah, il n'y a pas moyen de... Ah non, attends, c'est dans le chat de Beer. Ah! Il y a trop de chat hein, dans ces téléphones-là. OK. C'est ça ici. Ah ouais, je pense que c'est ça, là. Ah, je vois pas le nom. Ben, excusez-moi. J'aurais voulu faire de la pub à cette place-là. Mais bref, donc, Beer Run. Fait que les gars, on a essayé de matcher le Game Chasing et le Beer Chasing en même temps à Saint-Jérôme, mais ça a pas marché. Fait que, coudonc. Puis, ben c'est tout. Hein? Après ça, on est arrivé au chalet, puis on a commencé le party. Ben, on commence par setuper la place, tu sais. Parce que ce qu'on loue, en fait, c'est pas juste un petit chalet. C'est un gros... C'est comme 4 unités de 3 étages collées ensemble, tu sais. C'est comme un gros rectangle de 3 étages, très large, séparé verticalement en 4. Puis, tu peux louer chacune de ces 4 unités-là individuellement, soit le rez-de-chaussée puis le top, ou juste le sous-sol aussi, c'est possible. Fait qu'au total, ça fait 8 unités, dans le fond. Fait que nous, avant, on prenait juste une partie, puis là, ça grossit, puis là, fuck off, on loue tout le gros pain. Fait que, vu que c'est séparé en 4, à une extrémité, c'est le chalet gaming, là, on branche tous les setups de jeu. À côté, c'est le chalet bouffe, où est-ce qu'il y a la cuisine, toute la nourriture, et puis des projecteurs, des films, des affaires. Puis après ça, il y a 2 chalets de sommeil, dans lequel il y a aussi du gaming, tu sais. Mais là, cette année, ils ne pouvaient pas nous faire tout ça parce qu'il y avait des travaux, fait qu'ils nous ont fait un autre chalet, voilà, plus loin, qui s'appelait le Vulcain. Puis là, il y avait un mini-bar, puis une table de poule, puis là, oh, on était tout excités. Fait qu'on a joué à ça aussi. Et puis, ben, c'est ça. Dans le fond, le vendredi, c'est vraiment de setuper tout. Là. J'avais amené mon analogue Pocket qu'on a mis sur une télé. Et puis, ça, on avait des Everdrive pour tous les jeux de Game Boy, tous les jeux de Game Boy Color et tout Advance. Fait qu'on avait. Et Game Gear. Fait qu'on avait tout le portable, là, en gros. Là. C'est, ça, c'était bien le fun. Notre ami Zef avait amené aussi son arcade, qui a une arcade là, qui a setupé lui-même, style japonaise, là, mince haute, là, pour une grosse arcade américaine en bois old school. Je sais pas comment ça s'appelle ces arcades-là. Mais en tout cas, fait qu'il y avait du Street Fighter, puis on a joué une genre de version Street Fighter complètement folle où est-ce que il y a. C'est 2 contre 2, tu sais. C'est. Fait que tu joues. C'est ça, tu joues 2 contre 2, mais en même temps. Fait qu'il y a 4 fighters, puis c'est comme deux épaisseurs de combat, une en arrière de l'autre. Fait qu'il y en a un qui est au premier plan, l'autre est à l'arrière-plan, puis ça se tapoche de même. Puis si t'as un fighter qui meurt, ben là, ça devient 2 contre 1. Man, c'est un genre de hack, là, du jeu, je sais pas quoi. C'est complètement fou. C'est un peu tough la caméra, par contre, parce qu'elle va un peu partout, là, mais c'est le bordel total. Et puis, ça, c'est vraiment drôle. Donc, belle petite révélation ici. Puis, on a eu bien du fun avec ça. Sinon, ouais, il y avait de tout. Hein, de Saturn, Mega SG. Ben, il y avait tout. Mais il y a jamais de GameCube et de 64. Mais là, je dis ça, mais je me rappelle qu'une année, il y a eu un setup de GameCube parce que les gens voulaient essayer Mario Kart Double Dash à 8. Avec, on avait tous les plugs. Fait qu'on a comme mis un bloc de 8 télé. C'est ça, 8, hein? Et puis, pour que ça joue toute la gang, puis on fait la grosse affaire. Fait que c'était quand même assez impressionnant. Puis je me rappelle aussi d'une année, il y a loin. Il y avait une GameCube, puis on était supposé jouer à Ikaruga, puis notre ami Eric, il avait oublié le disque de Ikaruga chez eux. Fait qu'il avait jamais de case, puis on n'a pas pu jouer à Ikaruga. Je me rappelle de ça, parce qu'on a repopé la photo dernièrement. Fait que, ouais, il y a eu des GameCube deux fois, mais il n'y a jamais eu de 64. Puis je l'avais mentionné sur Facebook, et puis genre, pourquoi il n'y a pas de ça, t'sais. On rigole avec ça, parce qu'on se trouve bien élite, là, de jamais avoir, là, de 64 puis de GameCube, puis avoir juste des affaires très deep, obscures, des Saturn japonaises, puis des PC Engine, puis des affaires, des Neo Geo, puis tout ça. Fait que c'est ça. On se trouve bien cool avec ça. C'est juste ça. Mais, tu sais, c'est bien correct, là. En fait, si on. C'est aussi parce qu'il y a personne de nous qui a vraiment grandi ou trippé tant que ça, 64. Fait que pour ça qu'on n'en a pas, tu sais. C'est juste pour ça. C'est du trolling, un peu, là. Mais fâchez-vous pas, là, tu sais. Pas en train de dire que vous êtes moindre si vous aimez le 64. Ah. Fait que, qu'est-ce qu'un moins? Ça a été le party pas mal. Au niveau des repas, ça se répète maintenant à chaque année aussi. Ça fait beaucoup de nourriture, vous comprendrez. 30 personnes qui déjeunent. On fait juste déjeuner, là, parce qu'on fait des gros déjeuners en fin d'avant-midi. Fait que ça compte comme le dîner. Fait que déjeuner, souper. Donc, on fait ça 1, 2, 3, 4. 5-6, tu sais, puis le dimanche matin, c'est les restants, fait que ça fait 6 gros repas. Donc, premier déjeuner, c'est déjeuner construction, là, des patates, des œufs, du bacon, des saucisses, tout ce genre d'affaires-là. Et puis, pour souper, c'est quoi le problème? Ah, c'est le smoked meat, man! Ça fait que, oui, j'ai pris une photo avec le smoked meat, j'aime ça, moi, les morceaux de viande. C'est notre ami Eric Lafontaine qui s'occupe de la nourriture, il est excellent, là, sérieux, comme... Il va tout chercher au Costco, il fait les places, il apporte ça, tu sais, puis il n'a jamais de gaspillage, c'est vraiment bien fait, là, puis il coupe tout ça avec de l'aide. Puis il fait pas de vaisselle par contre, ça c'est bien, parce que c'est les autres qui font la vaisselle. Lui il cook, mais les autres font la vaisselle. Puis je pense qu'il se plaît dans ce rôle-là aussi, il aime ça cuisiner. Donc, ouais, gros bloc de smoked meat avec le pain, toutes les affaires. Fait que ça, c'est fou. Là, on s'en fait, man, des sodes épais, là, tu sais. Puis là, ce qu'il y a de le fun, c'est qu'il en reste pour le lendemain matin. Tu peux en mettre dans ton déjeuner. Et puis, il en reste tout le temps, en fait. Hein, du movie, il y en a pour tout le week-end. Fait que ça, c'est pas un problème. Et puis, une année, on avait fait, pour souper, on avait fait un test avec du spaghetti. Puis, on avait amené du vin rouge, puis du pain à l'ail, puis tout ça. Puis, c'était une drôle d'idée. Puis, c'était une bonne idée, mais... tu sais, ça nous gavait, puis c'était acide, puis tout ça, là, tu sais, fait que on l'a pas refait, finalement. On aurait voulu avoir juste des bouteilles de vin, tu sais, qui sont comme dans l'osier, là, ou dans le... emballées dans l'affaire beige, là, de foin, là. ça fait très italien. Ah oui, puis on voulait tout s'habiller propre, tu sais, puis tout ça. Fait que, on avait eu l'idée de faire jour de l'an, tu sais, comme party de jour de l'an, à faire des dindes, de la farce, des atokas, des affaires-là. Mais, tu sais, il y a beaucoup de monde, fait qu'il faut faire des affaires simples. Donc, smoke meat, tu coupes, mets des pains, pain, puis merci, bonjour. Fait que ça, c'était bien cool. On met de la musique en background, puis on danse. Vous avez vu mon post aussi, où est-ce que je faisais danser les gens sur Double Dragon. Et puis, on s'amuse avec ça. Il y a tout le temps des beaux setups de DJ. Habituellement, notre ami Sedo est là avec tout son matos, puis il nous organise un esti de rig de fou. Mais là, on était un peu moins équipés, mais quand même, c'était parfait. Là. C'était parfait. Et puis, ouais. Puis, pour continuer sur les repas, on avait les sandwichs déjeuner aussi du vendredi matin, donc des muffins anglais, des bagels, tout ça, dans lequel on mettait bien sûr toutes les pastilles de saucisse comme les sandwichs déjeuner, des œufs, du bacon, du smoked meat pour ceux qui veulent en rajouter. Puis tu pouvais même mettre ton affaire hash brown dedans direct, donc ça te faisait un énorme sandwich déjeuner. Un, c'est suffisant. Beaucoup de bananes aussi, tu sais, pour raffermir le caca, c'est important ça, des bananes, des pommes aussi. Ça manquait de pommes, je pense que je vais emmener un sac de pommes l'année prochaine. Puis, oui, donc, parce que oui, beaucoup de bière, beaucoup de mauvais nourris, donc c'est tough sur le système. Et puis après ça, le soir, ça c'est mon repas préféré, c'est les hot dogs. Donc, la grande hot dogueria du gamer, du wagger, donc plein de saucisses, plein de pain, puis là c'est les accompagnements qui sont le fun. Ben des affaires piquantes, de la viande hachée, du Kraft Dinner aussi, du fromage en crotte, de la sauce bolognaise, tu sais, me faire des Michigans, puis tout. Donc, des roteux. Et puis, le dernier repas, c'est les tacos. Tacos night avec 1000 affaires. Avec le temps, Eric a peaufiné sa recette de poulet, là, tu sais, les assaisonnements et tout, là, c'est tellement bon, là. Sérieux, le poulet, c'est comme... tu mangerais ça de même. C'est fourette. Ellie, il était pas là cette session-ci, mais c'est un chasseur, et puis il nous avait amené l'autre session d'avant, du steak haché d'orignal, des affaires épicées, des sauces fortes, puis tout, fait que c'est assez exploratoire, tu sais. Il y a toutes sortes d'affaires. Fait que c'est ça, la bouffe, en fait, c'est smoked meat, hot dog, tacos, les gros repas, et puis avec 1000 accompagnements puis 1000 affaires, donc tout ça. Fait que, comme je disais, il n'y a pas de légumes ben. Il y en a qui en amènent, fait que c'est bien important d'en manger un petit peu au travers. Beaucoup de fruits, je mange des fruits le matin au moins pour compenser. Fait que c'est la nourriture. Puis le dimanche, ce qu'il y a de le fun, c'est qu'il reste bien sûr plein d'affaires, fait que là, ben, tout le monde pige dans ce qui reste, puis il n'y a aucun gaspillage, tu sais, des restants de vodka, des restants de smoked meat, des shells de tacos, des restants de salsa, des pains, des bananes, des pots de Nutella à moitié mangés, toutes sortes d'affaires, des limes, des citrons. Tout le monde en ramène un tout. Ceux qui en veulent, ils en ramènent. Moi, j'en ramène pas mal. Des cannes de sirop d'érable, là, qui en a juste un tiers de passé, des affaires de même. Fait que je nourris ma famille. pas celui-ci, mais l'autre d'avant, j'avais ramené le sac de pastilles de saucisses. Et puis, il en restait, man, une vingtaine là-dedans. Fait qu'on a mangé ça quasiment, mis ça au congélateur. On a mangé ça pendant un an. C'était parfait. Pendant 6 mois. Ah, ouais. Ah oui, notre ami Carl, côté jeux vidéo, il avait amené aussi une énorme TV qu'il avait mis sur un rack vertical. Sur mon post, je l'ai montré un peu en vidéo, là. Man, c'était fou raide. C'est comme le setup tête le plus gros que j'ai jamais vu de ma vie. Tête, c'est quand la télé, on flippe la télé debout. Donc, c'est parfait pour jouer à des schmops. Et puis, ne l'oublions pas, il y a plein de vieux jeux d'arcade qui sont verticaux. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Même des affaires Super Contra, on l'a chez Arcade MTL, la borne Super Contra, c'est un écran vertical. Contra 1 aussi à l'arcade, c'est un écran vertical. Fait que c'est vraiment le fun de jouer là, sur un gros écran. Puis il avait mis un Raspberry Pi là-dessus, donc il y avait des tonnes de stock. Là, t'sais. Donc on a vraiment eu du fun. Ça, c'est un beau setup, sérieux. Là. C'était très, très, très cool. Par contre, il y avait du gaming au rez-de-chaussée et du gaming au sous-sol. Mais au sol, il faisait quand même noir et glauque un peu, puis il y avait des coins morts, je pense. L'idéal, ça serait vraiment tout avoir au rez-de-chaussée, à la lumière du soleil, un peu. C'est plus vivant, tu sais. Mais il n'y a pas de place, donc c'est ça qui est pas évident, là. On met toujours des affaires dans le sous-sol, en fait, mais des fois, les sous-sols sont un peu plus morts que d'habitude, là, tu sais. C'est pas évident. C'est ça le truc, hein. Chaque année, on essaye de refaire... De peaufiner, tu sais, on amène des fois un peu moins de stock parce qu'il y avait plein de setups qui servaient même pas de la fin de semaine. C'est comment est-ce qu'on fait, on rend ça convivial pour qu'il y ait du monde dans un recoin du fond du sol alors qu'il y en a en haut. Tu sais, tu veux pas te sentir seul, tu veux tout le temps être en gang un peu. Donc c'est une question d'ergonomie là-dedans, et de comment on place le stock. Fait que, ouais, à chaque année, on essaye d'ajuster un peu, mais c'est pas évident. Ça dépend du stock lui-même aussi. Mais, ouais. Fait que, ça, vendredi, je commençais à dégriser un peu vers 1h, 2h. J'ai essayé de faire un somme après dîner, après déjeuner, mais j'y arrive pas parce que je suis trop énervé, tu sais. Tu dis, je vais aller dormir une petite heure, là, puis je vais revenir top shape, tu sais. Mais non, j'arrive jamais à faire des sommes. Je sais pas pourquoi, ça m'aiderait, mais j'y arrive pas. Fait que j'ai essayé, je me suis reposé pendant 40 minutes. Je pense que ça a fait du bien quand même, là, sans dormir, mais au moins j'étais semi-comateux. Et puis, ouais. Après ça, ben, j'étais allé me déboucher une petite messe oreille, mais puis j'ai joué au golf avec mon ami Phil Tremblay, au mini-golf en fait, ça a fait du bien. Puis je voulais vraiment tout faire, là, tu sais, parce que. Je voulais aller dans le spa. Ça, j'ai fait ça samedi après-midi. Puis, je voulais aller au chalet Vulcain aussi. Il y avait beaucoup de va-et-vient. Le chalet Vulcain était quand même assez loin. Fait qu'il fallait marcher, là, tu sais. Donc, quand tu y vas, tu sais, faut qu'il y ait du monde. Tu veux pas arriver là tout seul. Puis, tu sais, tu veux que ça vaille la peine. Tu restes là un petit bout, là, les jeux au pool puis tout. Fait que je suis allé vendredi soir. Puis, on a joué au pool en masse avec de la musique, tout ça. Fait que je suis content de l'avoir fait. Parce qu'il y a des wecks des fois que t'es tellement dans le gaming, puis nous autres on aime ça comme finir des jeux, tu sais, on se fait des plans, ok on va battre tel jeu, puis des fois man, les jeux sont tellement durs que ça nous prend une journée entière avant de le finir, tu sais. Les gars là, ils ont travaillé sur Star Tropics 2 Zoda's Revenge là pendant très longtemps dans le WEG, là, sérieux. Moi, Stack Tracer 2 au WEG d'avant que j'avais mis du temps là-dessus, incroyable, fait que... Mais tu sais, t'es tellement rendu loin, tu veux le faire. Mais des fois, ça te gobe là, énormément de temps de ton week de finir ce jeu-là. Fait que t'oublies pas, mais il y a des affaires que tu fais pas finalement. Parce qu'il y a aussi des tournois de poker auxquels j'ai pas participé. Il y a du Magic aussi qui se fait. Puis c'est tous des rendez-vous, hein. Tu sais, comme on a un chat, c'est comme ok, 2h, tournoi de Magic, chalet bouffe. Ok, 5h, tournoi de. On fait le poker avant le souper, puis après ça, c'est le tournoi du WEG, parce qu'ils font aussi un tournoi du WEG. Cette année, ils avaient branché deux Saturnes ensemble pour faire un contre un à. Daytona USA, me semble. Alors, ça, c'était bien. J'étais pas bon. J'étais vraiment pas bon. Fait qu'il y a des tournois d'organiser aussi entre nous. Mais, ouais, mais sinon, j'ai joué... Hey, man, j'ai joué à quoi? Samedi après-midi, j'étais relax et puis... Mon ami Nick Chalifou me mettait beaucoup de pression pour qu'on fasse Batman au NES. Finalement, il s'est enfargé dans Trackmania en haut sur un autre setup, puis ça a été super populaire, Trackmania. Les gens y ont joué à ça non-stop, puis ils viraient fou, puis ça gueulait, puis ça riait. Fait que moi, j'aime moins ça. Fait que j'ai starté Batman tout seul, et puis je l'ai fini tout seul. J'avais déjà fait Batman au NES, puis Batman de Video Game, là, le premier. Puis c'est un excellent jeu, bien sûr. Joker est tough, il est quand même tough. Mais coup tu sais un peu comment ça marche, c'est possible, faut pas se décourager. Puis au moins les continues, ils te repartent tout le temps non loin de où tu étais. Alors, essayez-le, pour vrai, c'est faisable. Là. C'est un excellent jeu NES. Fait que ça, j'ai eu du plaisir à faire ça. J'ai essayé Hammering Harry, qui est un jeu PAL de NES, qui est pas sorti en Amérique du Nord. Qui est l'histoire de Harry qui travaille sur un chantier de construction et puis avec son gros maillet et puis au look très japonais bien sûr. Puis c'est un platformer avec un maillet donc tu donnes des coups, tu as des power-up, ton maillet peut devenir plus gros ou tu peux frapper, ça fait des ronds comme ça. T'as d'autres power-up où est-ce que ça fait un éclair dans l'écran, ça casse tout. T'en as un autre qui ça te redonne la life. T'en as un autre, c'est un chapeau qui te donne un hit de plus. Puis c'est pas mal ça, dans le fond. Et puis c'est très cool, là. C'est très joli. Le sprite grosse face là, qu'on voit bien, là, t'sais, très cartoony, si je peux dire. Le jeu est court. Il y a 5 niveaux, avec des boss quand même assez simples à chacun. C'est un peu pas évident des fois de grimper là, t'sais, les échelles puis tout là, je trouvais pas ça snappy puis dropper pour dropper des plateformes, tu fais juste peser par en bas au lieu de par en bas puis jump, tu sais, pour dropper comme on est tous habitués de. Fait que des fois, tu veux juste te pencher, pis, tu drops d'une plateforme, direct dans l'eau. Donc, c'est un peu tough à ce niveau-là. Mais c'est un petit jeu cool, bien sûr, et puis ça aurait été le fun que ça sorte en Amérique du Nord. C'est un bon jeu. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti ça ici. C'est un jeu de IREM, en plus, il me semble. Il l'a aussi au Game Boy, PAL, mais pas US non plus. Donc, si vous avez de quoi qui permet l'émulation et que vous cherchez un petit platformer léger, essayez ça. Essayez ça. Ah! Sinon, j'ai fait aussi, avec mon ami Étienne Cormier, Mr. Jules, on s'est assis, puis il était 5h à peu près, samedi. Et puis là, je me suis fait un café, tu sais, pour me réveiller. On a bu du café, puis là, on a essayé Mendel Palace à deux. J'avais déjà joué à Mendel Palace, bien sûr, mais seul, j'y arrivais pas. C'est quand même difficile. C'est un jeu fait par Game Freaks, donc Pokémon, tu sais, c'est un des premiers, sinon le premier jeu de Game Freak, je pense. Mendel Palace au NES. Publié par Hudson Soft. Boîte Move. Et puis la gimmick de jeu là, c'est que tu as choisi le niveau que tu veux faire en premier sur la map. T'en as un. T'en as combien? Genre 8 certainement. Ouais, 8. Peut-être même plus, je me rappelle plus. Puis c'est tous des mondes. Et puis dans chaque monde, t'as des ennemis. Et puis en fait, la gimmick, c'est que. C'est un tableau rectangle vu de top qui est séparé en tuiles. Et puis, on joue à deux en même temps. Et puis, ce qu'il y a de plaisant aussi, c'est que tu peux jouer à deux en même temps sur la même dans le même tableau ou séparément. Fait qu'il y en a un qui peut travailler un monde, puis là, il joue, puis quand il meurt, ben là, ça va à l'autre. Puis là, l'autre, il travaille son monde, et puis c'est en alternance, les deux font la job de leur bord, tu sais, pour se rendre jusqu'à la fin. Ou tu peux être ensemble, tu sais. C'est bien plus fun ensemble, là, bien sûr. Fait que c'est ça, les niveaux sont séparés en tuiles, et puis, quand tu pèses sur le bouton, ça, la tuile, elle glisse, tu sais, comme si elle s'enlevait. Puis il y en a un autre en dessous. Fait que des fois, c'est tout le temps la même affaire, c'est la même tuile que tu peux pousser, faire glisser à l'infini, comme si tu poussais le tapis en dessous des pieds de quelqu'un, là, tu sais. Puis ça, ça fait revoler les ennemis sur le dos, puis il faut qu'ils soient proches des murs de chaque côté pour les slammer dans le mur, puis ça les tue. Fait que c'est comme un jeu de poussage d'ennemis vers le mur jusqu'à ce qu'ils pètent dans le mur, et pour les pousser, ben, tu leur glisses les tuiles dessous les pieds. Fait que c'est de même que ça marche. Dur à expliquer, mais je pense que vous comprenez. Vous irez voir du gameplay. Puis bien sûr, en dessous des tuiles, des fois, tu découvres des étoiles. Ça, c'est comme des scènes à Mario, donc tu ramasses ça. Il y a des powers, genre que un gros soleil, quand tu découvres ça, puis tu piles dessus, ça flippe toutes les tuiles dans le niveau. Il y a des flips qui te tournent, qui te propulsent. Fait que là, tu traverses l'écran super vite, fait que ça tue tous les ennemis que tu touches d'un coup. Il y a du temps, ça te fait gagner du temps. Parce qu'il y a un timer qui, me semble, on ne voit pas, mais quand tu niaises trop, les ennemis ils se mettent à marcher vite, là, tu sais. Fait que ça, c'est pas évident. Puis c'est ça, des affaires qui balayent toute une rangée de tuiles ou une autre affaire qui flippe comme une slot machine où tu peux avoir des points puis des vies. En gros, c'est un peu ça là, qui se passe. C'est pas plus compliqué que ça. Comme je disais, il y a 8 mondes, mais chacun de ces 8 mondes-là, ils ont leurs propres ennemis. Fait que, mettons, le monde 2, c'est un personnage qui saute, t'sais, comme il essaye de te pogner, puis il saute. Fait que vu qu'il saute, tu peux pas, faut que tu teignes ton... quand tu pousses la tuile en dessous de ses pieds, parce que sinon, il est dans les airs. Fait que là, il est tough. Sinon, un autre monde, c'est un personnage qui dessine à terre, genre. Quand elle a le temps de dessiner sur une tuile son dessin au complet, ça fait un monstre qui pop puis qui te court après. Fait que ça se duplique, t'sais. Il y en a un autre, c'est des nageurs. Fait que là, eux autres, comme, ils plongent dans les tuiles, puis ils traversent l'écran au complet. Fait que faut que tu te tasses. Et puis, ils flippent les tuiles, ce faisant. Des gros bonhommes qui tapent à terre, là, ça te fait rebondir. Toutes sortes de... chacun de ces personnages-là est comme illustré sur la pochette. Donc, une très belle pochette, d'ailleurs. Donc, je trouve ça très nice. Fait que c'est ça. Puis, c'est pas mal plus dur qu'on le pense, pour vrai, là. Tu sais, il y a des niveaux, ça se fait bien au début, mais à un moment donné, man... Puis, des fois, les tuiles que... quand tu flippes une tuile, il y a un pit d'ennemis qui apparaît, qu'ils spawnent des ennemis illimités là-dedans. Fait que là, vite, faut que tu repousses cette tuile-là tout de suite pour cacher ça, pour qu'il arrête de sortir des ennemis. Mais des fois, les ennemis ils font flipper les tuiles, fait que ça sort des pits d'ennemis, puis là, man, il y a des ennemis partout! Là, tu sais plus quoi faire. Fait que là, ça devient un hostie de bordel, donc c'est vraiment dur. T'as 3 vies, dans le fond, chacun, pour faire le niveau. Et puis, tu perds tes 3 vies, ben, tu prends un continu. Mais ce qu'il y a de le fun, c'est qu'au moins, tu continues exactement où ce que t'étais rendu. Fait que, tu fais juste perdre tes points. Mais ça, les points, on s'en sert. N'est-ce pas? On s'en sert. Donc, tu fais tout ça, et puis après ça, t'as un château du début, château de la fin au centre, que tu peux accéder. Et puis là, ben, puis chacun de ces mondes-là, 10 niveaux, avec un boss. Et puis au centre, ben, tu fais encore 10 niveaux, mais c'est un niveau par chaque bébite que tu as affronté dans le monde, dans chacun des mondes. Et puis c'est le même boss de fin, là, une genre de fille, sorcière, je sais pas quoi, là, qui revient. Je pense que c'est elle qui est sur la pochette qu'on voit qui est comme fâchée, là, de même. Très jolie. Alors, c'est ça. Donc, on a eu bien du fun, là. Il y a des niveaux qui nous ont pris beaucoup de temps, mais c'était pas décourageant. T'sais, c'est comme, ah, on l'a presque eu! Puis là, on recommence, tu sais. C'est vraiment un excellent jeu co-op au NES, sérieux, là. J'adore ce jeu-là. Puis je suis vraiment content de l'avoir fini pour la première fois avec mon ami Juice. Donc, on prenait un café, puis on a fini ça comme des chefs. C'était vraiment très plaisant. Donc, je vous recommande ça fortement. Si vous ne connaissez pas ce jeu-là, Ness, ça vaut la peine, c'est sûr. Sinon, quoi j'ai joué, donc? J'ai tâté plein d'affaires, mais je ne me suis pas comme engagé dans des affaires deep plus que ces trois jeux-là, je dirais. Sinon, on a fait de quoi de le fun samedi après-midi, il faisait super beau. On a joué au ballon chasseur. Donc, Nick avait amené un vrai ballon en caoutchouc, là, genre, là, comme ceux-là que vous aviez à l'école primaire. Puis on a joué au ballon chasseur. Fait qu'on sait. Il y avait comme une section à côté du chalet, genre de parking-ish vide. Puis autour du chalet, c'est pas de l'asphalte, là, c'est comme de la petite granule blanche là, de fond d'aquarium. Fait que c'est quand même propre et tapé. Fait qu'on s'est fait une ligne avec des branches et puis on s'est fait des lignes d'arrière aussi. Au début, on a juste joué chasseur, tu sais, avec une ligne, on se tue, puis quand t'es mort, t'es mort. Mais après ça, on a rajouté les lignes, puis on a fait des enclos. Fait que quand t'es mort, tu vas en arrière de l'ennemi. Puis là, tu peux te passer le ballon d'un bord à l'autre. Vous connaissez le principe du dodgeball. Fait que on voulait niaiser avec ça. Je pense on a déjà parlé, ça n'a jamais eu lieu, mais là, on l'a fait. Puis finalement, c'est-tu qu'on a trippé, là, tu sais, on était, quoi, 6 contre 6, 7 contre 7, je sais pas quoi. Johnny, il a reculé son char, il a ouvert le hood, il a mis de la musique, on avait nos bouteilles d'eau, nos petites bières, puis on jouait au ballon chasseur comme des chefs. C'était vraiment drôle. Alors, ça a fait du bien, il faisait super beau. On est chanceux parce qu'il a mouillé une semaine durant. Puis quand on est parti jeudi, c'est là que c'est mis à faire beau, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, comme un beau soleil éclatant, tous ces jours-là, pas de nuages. Fait que ça faisait du bien d'être dehors puis faire de l'exercice, là, vraiment. Et puis j'étais pas payé partout au ballon chasseur quand même, là. Mais c'était vraiment drôle. Il y a eu des catchs de feu, du monde mort, tu sais, pas de blessés. Quelqu'un s'est presque empalé sur un arbre qui était coupé, tout. Du monde qui trébuche, je me suis... Ah ben tiens, j'ai un chandail pas de manche aujourd'hui parce qu'il fait chaud au QG. Ah, tu voyais les petites lignes, là? C'est de la garnotte, ça, de ballon chasseur, là. Ça fait que je suis tombé à terre, ça a guéri. Puis, il y a du monde aussi qui font des courses, qui vont courir le matin avant de déjeuner. Du jogging, là, des coureurs, là, des waggers qui aiment la course. Fait que peut-être que je vais y aller avec eux la prochaine fois. Je suis pas un coureur du tout. Mais juste faire une petite course, là, ça fait du bien. Fait que tu sais, avec le temps, au début c'était gaming. Mais là, quand il fait beau, ça fait du bien de sortir dehors et puis de prendre l'air aussi. Puis on se fait un feu dehors aussi en plein jour, tu sais. Comme on fait ballon chasseur, on va dans le spa. À côté du spa, il y a un enclos à feu. On fait du feu, on se fait prendre une petite bière dehors, tu sais. C'est all good. C'est ça qui est le fun avec une édition 4 jours. On a vraiment le temps de se déposer et puis de s'installer et puis d'essayer plein d'affaires puis de jaser avec un peu tout le monde, tu sais, parce qu'il y a même du monde que je voyais pratiquement pas des fois parce que tout allait tellement vite. Fait que non, c'était vraiment le fun et puis c'est rendu qu'on est pas pire parce que le samedi soir, tu sais, il y en a qui se couchent encore à 5h, tu sais. Et puis, ça joue au Jackbox aussi, ça occupe bien gros les fins de soirée. Et puis Worms aussi, il y a tout le temps des grosses, grosses games de Worms, mais là, il y avait deux gros amateurs de Worms qui n'étaient pas là, fait qu'il n'y a pas eu de Worms qui s'est joué. Mais le Worms, là, souvent, ça décolle de 1h à 4h du matin. Mais moi, je suis pas fan de ça, fait que c'est ça, mais c'est drôle. Et puis, quand tu, samedi soir, tu dis bon, ben demain, on part, puis quand tu regardes partout autour de toi, il y a des sacs de chips ouverts à terre, man, de la bouffe, des bouteilles vides partout, des canettes vides, du matos, des TV, des affaires, puis tout est déplacé, on prend une table, on l'amène dans l'autre chalet pour avoir deux tables pour manger, on descend un couch en bas pour avoir plus de... on tasse une chaise, tu sais. Fait que toi, tu te dis, mais c'est un chaos, tu sais, on va jamais... Comment est-ce qu'on va faire pour replacer ça? Mais le truc aussi, c'est qu'on prend des photos en arrivant de tout commencer, comme ça, quand on repart le dimanche, on replace, tu sais. Fait que, très bonne idée. Mais finalement, ça se fait vite, le ramassage. On est super efficient. Faut décoller à midi, puis à 10h, comme tout le monde est levé, lavé, tout est ramassé, le monde a mangé, la bouffe est distribuée. Et puis, c'est ça. Fait qu'on est rendu bien rodé sur notre wag, là. Ça, c'est toujours bien impressionnant, je trouve. Puis on se fait une belle poignée de main, là, à la fin. On sépare le groupe en deux, puis c'est comme au hockey, tu sais, quand la série est terminée, un en arrière, en face de l'autre, les deux groupes, les deux fils se croisent, et puis on se serre la main, belle game, belle game, belle game, avec un photo finish que Eric Hébert fait toujours, que vous avez vu, puis que tout le monde publie, parce que c'est toujours bien plaisant. Fait que, très belle expérience, très belle expérience. Puis comme je le disais dans mon post, j'ai 42 ans, tu sais, puis... Il y en a des un peu plus vieux que moi là-bas, puis il y en a des plus jeunes aussi. D'après moi, ça varie de 35 à 45 à peu près, là, les âges des Wegueux. Et puis, je trouve ça incroyable qu'on soit une trentaine de même, tu sais, qui puissent... qui font des trips d'ado comme ça, tu sais. Mais des trips d'ado propres, tu sais. On n'a jamais rien brisé, tu sais. Tout le monde respecte tout le monde, bien sûr. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chicane, tu sais, il n'y a jamais de problème, là, tu sais. Fait qu'on est comme des adultes qui font des niaiseries d'ados, tu sais, mais des niaiseries au sens des affaires qui peuvent paraître bien enfantines pour certains, mais que nous, ça nous remplit de bonheur, là, de gamer comme ça, puis de jouer au ballon chasseur, là, tu sais, ça nous garde jeunes, et puis, tu sais, tout se fait dans le bonheur et la gaieté, donc c'est vraiment plaisant. Puis, je me considère bien chanceux d'avoir un cercle comme ça, de gens, tu sais, qui aiment faire ces affaires-là, et puis c'est bien cool. Fait que faites ça, vous autres aussi, si ça vous allume. Essayez de rassembler vos amis, faites des petits get-together, tu sais, c'est toujours plaisant. Et puis c'est une belle expérience, puis je suis content de voir que ça continue de rouler, et puis que ça va, c'est pas parti pour arrêter, en tout cas. Bon, c'est pas moi. Mon père faisait pas des affaires de même quand j'étais jeune, que je me souviens. Moi, je veux pas m'isoler, tu sais, en vieillissant. Je veux continuer à avoir des amis, puis, tu sais, faire des choses. C'est sûr que la vie, tu sais, comme les enfants, la routine, des fois, tu prends pas le temps, tu sais. Mais c'est quand même le fun d'avoir... de pouvoir garder une certaine vie sociale de cette façon-là. Je vis pour ça, j'aime bien ça. Autant que j'aime être tranquille, mais j'ai toujours besoin d'avoir un petit party quelque part, un petit get-together avec des amis, là, c'est bien important pour moi. Fait que voilà, je voulais vous raconter ça. J'ai pas grand-chose d'autre à raconter, sinon je joue présentement à Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth. Donc c'est un jeu copié, ben calqué sur Castlevania Symphony of the Night, vraiment. Comme je disais, je connais rien de Lodoss War, mais juste le look du jeu, tu sais, la cape de la fille, elle bouge pareil comme celle de Alucard, tu sais, fait que c'est bien. Je joue à ça présentement, j'ai bien du plaisir, j'en parlerai pas plus parce que on va en parler la semaine prochaine à Rétro Nouveau. Moi, je vais en parler. Et puis, Fred pourra raconter aussi sa grande aventure de Zelda's Revenge, qui a tellement travaillé fort là-dessus. Fait que c'est ça. Sinon, pas de nouveau, vraiment. L'arcade, la shop, les affaires roulent. On cherche du staff chez Retro MTL. Il y a eu des départs, fait qu'on a besoin de monde. Si vous connaissez des personnes fiables qui veulent venir vendre des belles cassettes en magasin, des beaux jeux qu'on s'évertue à nettoyer, tester et mettre en ligne, on a besoin de monde. On a quelques entrevues la semaine prochaine, j'ai hâte de voir ça. Fait que c'est ça. On a besoin de monde là. L'arcade, ça va bien. On a un nouveau gérant. Notre gérante quitte, fait qu'on s'est trouvé une autre personne, une personne qui a un beau background en gestion d'événements et puis qui a fait beaucoup de choses, donc j'ai hâte de voir ça. On vient de commencer avec lui, mais il y a vraiment une belle vibe, une belle énergie, et puis il propose des solutions, il va de l'avant, il va nous aider un peu à démêler ça. Parce que chez Retro NTL, autant qu'on est très tight sur tout, tu sais, à l'arcade, on est tight, tu sais, mais définitivement, il y a du ménage à faire dans les dossiers, là, avec le temps. C'est parce qu'on est chacun un peu, on en fait un peu chacun de notre bord, on met ça ensemble une place, puis les employés partent, les employés, des nouveaux employés. Fait que, sont où les fiches de procédure? Ah, c'est lui qui l'avait faite sur papier. Ah, mais ils sont où ces papiers-là? Ben là, je sais pas, check dans le dossier. Ok, ben moi je les ai refaites l'année d'après, puis c'est dans le Dropbox, check dans le Dropbox, tu sais. Fait qu'il faut juste comme refaire ça un petit peu propre, puis mieux se réaligner. Ça ne nous empêche pas d'opérer, bien sûr, mais de l'ordre dans les dossiers, c'est toujours très important. Fait que voilà. Bon, hey, j'ai encore un peu mal à la tête. Mon café est fini. C'est parce que je parle trop. Fait que je vais me taire et puis aller commencer les messages. Fait que merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Et puis, on se reparle très bientôt.